de l'amibe. Ici, c'est triste et froid, disent-ils, de l'intérieur. C'est assez difficile d'éprouver quelque chose à cause de la distance. On ne sait pas l'évaluer exactement, on n'a pas de repère. Cela tient, je crois, au caractère instable de ce qui nous constitue. Et puis l'air est épais, certes, et interne. De se mouvoir soi-même aux confins de soi-même, si j'ose dire, enfin, ces débats s'éternisent et nous ennuient. L'idée que l'on se fait de soi, dont on discute sans fin aussi, cette idée se nourrit d'une perception vague, usée, labile, et comment dirais-je, de seconde main. On doit parler de l'univers, il le faut, semble-t-il. C'est bien ainsi que se construit un monde, je veux dire un monde à soi, dont on prend la mesure, dont on s'inspire, enfin, à l'aune de celui qui nous est présenté comme vrai, solide, rassurant. Une fois ceci réglé, c'est-à-dire une fois posées les limites de l'affaire, plus quelques règles simples permettant au dispositif de fonctionner vaille que vaille, il convient d'arranger le détail. Tout est là. Et c'est le détail qui permettra que votre ouvrage tienne ou non. Certains s'empressent d'agglutiner des cathédrales. Des cathédrales fines comme très fines broderies. Ils les serrent dans leurs mains, ils s'impatientent. En général, c'est un échec. On n'obtient au fond qu'une boulette grise et les merveilles ne sont plus. D'autres se veulent arrimés, vertigineux, et ce sont des falaises, des gouffres, où ils ne savent plus où poser le pied. Au fond de très fines crevasses serait un peu d'espoir, enfin, la représentation qu'on en aurait sur le moment. Quelques branches menues, quelques rhizomes. Bien sûr, le bras se tend, bien sûr, la main se crispe, c'est pathétique. Tout, comme un tas de cartons empilés à la diable, s'écroule au premier souffle, au moindre ravissement. Et ce n'était pas fait pour ça non plus. D'autres, enfin, jouent leur faiblesse et se replient, se recroquevillent au fond, sur un misérable nid de coton mouillé. Ils pleurnichent, ils regardent ailleurs quand une âme sensible veut leur venir en aide. Mais un autre défaut est notre manque de constance, de confiance en soi. Tout est si difficile. Un geste, par exemple. Un geste élémentaire, diriez-vous. Se heurte à mille difficultés, à tant d'impossibilités. J'ai beau penser le mieux possible et essayer de commander distinctement, rien ne se passe. Ou si quelque chose arrive, c'est un tel phénomène qu'il est difficile de ne pas imaginer qu'il ne s'agit probablement, après tout, que d'un accident. Cette souffrance même, dont nous nous réclamons tant, il semble bien, à mieux y regarder, qu'elle ne soit que le fruit d'une savante combinaison, d'un calcul qu'on pourrait qualifier de sournois, ou au moins mensonger. Mais c'est ainsi, et nous voguons. La jungle. Dans la jungle, j'aurais voulu que Claude Pieplu lise ce texte, mais comme il n'a pas pu venir, donc je vais le faire moi-même. Alors, si par moment je dévie un peu, si ma voix prend des actions, des accents Pieplu, ben vous m'en voudrez pas. Dans la jungle, il y a les petits et les gros. Les gros sont plus forts, les petits sont malins. Si les petits sont pas rusés, ils crèvent. Si les gros sont pas forts, ils finissent par crever. La jungle, rien de commun. À la suite d'une intoxication alimentaire, si l'on en croit le livre de bord, la jungle lui était apparue très simplement et très précisément. Espace rectangulaire, immense, certes, entouré d'une très vaste plaine grise, veloutée. Il se promit d'inspecter plus tard la vaste plaine grise. Un examen général ne donnerait rien. Il faudrait y passer quelques mois au bas-mot. En revanche, on pouvait facilement imaginer qu'en y regardant de tout près, avec éventuellement les instruments idoines, on finirait par discerner un espace géométrique vert et vraisemblablement grouillant d'une vie luxuriante, ravageuse, ricanante et absolument affreuse. Sur le bateau, assemblage de tôles, de planches et d'accessoires divers, bouées, caisses, cordages. La maladie gagnait. Le bateau, notoirement connu pour passer à prix d'or, des clandestins désireux de fuir d'improbables pays pour rallier d'hypothétiques Eldorado, navire trop pittoresque, aussitôt reconnu dans chaque port, dans chaque crique et salué avec force rire, et aussi une pointe de méfiance, le bateau paraissait chaque jour plus petit. On se sentait réellement à l'étroit, malgré que le nombre des passagers fut cette fois-ci encore fort réduit. Un homme sur le pont, démarche raide, il en rajoute. Il avance à tâtons, main glissant sur le bastingage. On l'a depuis longtemps prévenu, lui, qui est presque aveugle, à la suite d'un stupide pari, qu'il est dangereux, vu l'état du navire, de continuer cette vie-là. On peut se prendre les pieds dans quelque chose, tomber. Quelqu'un a même osé un jour se perdre. On lui répète sans cesse qu'il ferait mieux de rester tranquillement dans sa chaise longue, mais lui prétend qu'il a besoin de se dégourdir les jambes. D'autres pensent qu'il a fait son temps et qu'il vaudrait mieux qu'il reste à terre désormais. Sous la visière lourde de sa casquette que le sel a blanchie, il hume l'air marin, apprécie les mains sur la tôle, les vibrations et les sursauts des machines. Il y a en bas quelqu'un, en maillot de corps, baignant dans le cambouis, quelqu'un qui mâchonne sans cesse un mégot éteint, détrempé de salive, quelqu'un avec qui, tôt ou tard, un drame se jouera. Il avance lentement, il ne s'éloigne pas. Il se rappelle la jungle, enfin cette idée qu'il avait. Mais il n'y avait pas tout ce mouvement, roulis, tangage, bien sûr, cette odeur de poisson. Il ne sait plus où est la cabine, il ne veut pas qu'on l'aide. Peut-être que le bateau est sur cale, que des gamins s'amusent à le secouer, peut-être qu'il y a sur la grève un tas de morues et accroupis devant les hangars, de jeunes gars souriants. La jungle avait ceci de particulier, quoiqu'elle fût enchevêtrée, nouée, paroxystique, de représenter pour qui il eût survolé un rectangle parfait. Branches, lianes, palmes s'interrompaient brutalement. La coupure était nette, quoique visiblement naturelle. Une retenue. Le reste, tout le reste du paysage était plaine grise, billard, poussière lourde. On y marchait avec difficulté. L'empreinte des pas disparaissait aussitôt. On s'effaçait. Quoiqu'il semblât n'y avoir pas de brume, on s'estompait. Certains prétendent avoir entrevu des navires, des caravanes, des citadelles. Ceux qui racontent cela ne sont crus de personne. Les seuls qui eussent pu dire, on les imaginait marchant dans l'épaisse poussière, bras tendus, ne connaissant ni haut, ni bas, ni gauche, ni droite, seulement le geste de marcher qui se perpétue machinalement. Il y a souvent des araignées dans les mûriers, c'est un texte qui était dédicacé à Claude Sèvres notamment. Elle arrive obséquieuse et portant les valises bleues. Le bleu calme gris des bords de mer quand il n'y a personne. Je ne connais pas l'heure, ça change tout le temps. Les vaguelettes clapotent, grasses, grises et grasses, molles. On a guère envie d'y tremper les pieds. Sur des piquets, les mouettes calmes, frileuses, elles se rencognent sans nous quitter des yeux. L'hôtel n'est pas très loin, les chambres y sont froides et humides. On ne chauffe jamais avant la mi-octobre. Le petit déjeuner est servi sous la véranda, de grands morceaux de pain frais, petits rectangles de beurre et confiture maison, confiture de mur. Il y a souvent des araignées dans les mûriers. On gare les voitures dans le chemin, on longe le ruisseau, cette eau glacée, atrocement limpide. On encourage les gamins à cueillir les baignoires. Était-ce en été, à la fin de l'été, je crois. des araignées, comme le cœur du fruit, petites pelotes sèches, poussiéreuses, noirâtres, qui craquent désagréablement sous la dent. On frissonne, on mastique mieux, vite, scrupuleusement. On déglutit. Box, un texte dédicacé à Patrick Ravella. Là. Et c'est le cœur baigné de cendres et la paupière lourde, les pieds pendillants au bas de ce sommier très haut, plusieurs étages au moins, qu'il me fallut me rendre à l'évidence. Apprendre la boxe par correspondance ne vaut rien. Les cours, dont le prix était plutôt élevé et vanté par ailleurs dans un entrefilet prometteur, confère le journal du Monde du jeudi 24 août 1989, page 2, les cours, disais-je, étaient constitués par un ensemble de petites vignettes, genre des calques malabar, tels qu'ils s'en faisaient 25 ans auparavant, avec de bonnes couleurs, somptueusement criardes, dégoulinant au premier crachat, vignettes qu'il fallait d'abord relier ensemble en les cousant. Le fil et les aiguilles n'étaient pas fournis, et le hameau fort dépourvu en commerce. J'ai dû avoir recours au service d'un colporteur, mandé par le biais d'une officine spécialisée dans ce genre de transactions, à laquelle je passe un coup de téléphone des réceptions de mes cours. L'homme surgit, tout guilleret, maussade tout de même. Il n'allait sûrement pas pouvoir faire passer la totalité de ses frais de déplacement dans le prix, même sévèrement majoré, des petits articles commandés. L'aménagement du territoire à ses grandeurs, mais également ses servitudes. J'essaye toujours d'aborder ce type de paroissien à la bonne franquette. Humain. On laisse tomber le business, on s'appelle par son petit nom. Ce sont de vrais requins, ils n'oublient jamais rien. Le gars s'assoit, fait mine d'apprécier l'horrible ferment de compost que je lui sers, et de goûter la vue, rien à voir, et les trains sont trop loin, et de humer avec plaisir l'air tonique, glacé, humide, de cet exquis coin de campagne où il fait si bon vivre, que même les vaches parviennent, avec un peu d'entraînement et de volonté, à se pendre. Au début, par modestie ou par bêtise, elles choisissent des arbres chétifs, des escabeaux pourris. Cela finit au pire avec un méchant torticolis. Une vache, au naturel, ça n'est pas forcément gracieux. Une vache avec torticolis et parfois lumbago, une vache qui marche en crabe et beugle, meugle, tant et plus à cause de la douleur et de l'amertume qu'engendre un échec bien senti, une vache comme ça est un spectacle moche. Ça influait nécessairement sur le moral des autres ruminants, et de fil en aiguille. Précisément, notre homme sort d'une ravissante pochette multicolore un arsenal d'aiguilles, toutes tailles, tous métaux. Il y a des aiguilles de titane à bout doré, or véritable, or garanti par un certificat d'authenticité qu'on se fait fort de m'envoyer dans un délai de 24 heures. Des aiguilles dont le chat est comme ceci, ou comme cela. En 5 minutes, la table en est couverte. Je commençais à me lasser, et notre homme le sentait. Mais comment ne pas faire son métier? Lorsque l'on est pétri par la fibre de vendre, on ne saurait s'empêcher d'examiner toutes les issues, d'entrouvrir les lucarnes et d'inspecter la cale, quitte à éternuer à cause des poussières, quitte à s'effaroucher. Je me demandais lâchement si j'arriverais à inciter notre homme quant à nous gratifier d'une petite démonstration qui me permettrait d'une pierre deux coups de n'avoir pas à me taper l'ouvrage. Et sans doute celui-ci serait assez promptement réalisé, en tout cas mieux, bien mieux, que je n'aurais su faire moi-même, et incidemment de n'avoir pas engagé de pareilles dépenses, prétextant subitement un désintérêt total, ou une crise d'appendicite, ou l'heure tardive, et qu'il me fallait réfléchir de toute façon. Sûr, je ne me ferais pas un ami. Mais qu'ai-je à faire d'un ami dans un pays où les vaches se pendent? Les exploitants font mine de rien. Et laissent les bêtes accrochées aux branches, par le col. Ne me demandez pas comment elles ont appris à confectionner ces efficaces nœuds coulants, encore que j'en ai vu pendus à l'aide de ceinturons, vraisemblablement volés à des hommes de forte corpulence, des ceinturons en cuir, peut-être en cuir de vache. Jusqu'à ce qu'elles gonflent, et puent, et qu'un délicat se plaigne au maire, qui expédie illico, dûment délégué par arrêté municipal, un garde champêtre qui incite, parfois vigoureusement, l'exploitant à remettre un peu d'ordre dans le paysage. Une vache morte d'un peu longtemps pue, au-delà de toute expression. J'avais donc l'opuscule en main, il me manquait les accessoires. La boxe est un art noble, pensais-je, un art qui forge le caractère et assure également un bon maintien. Je devais aussi, il est vrai, m'occuper du mieux que je pouvais, puisque rien, par ailleurs, ne m'intéressait vraiment. Les hasards d'une vague lecture m'avaient mis sur une voie qui, je le sentais, se révélerait bientôt exaltante, et ma vie deviendrait autre chose que ce long morceau de foi au sein duquel je me débattais depuis l'enfance, que je respirais, qui dessinait mon univers, injectait mes pensées, m'empêchait d'être moi-même, de me réaliser. J'avais le manuel qui ressemblait à l'un de ces maigres opuscules de poésie qu'on vend par correspondance. Et si mes mains tremblaient, ma barbichette, elle, exultait. Je lisais. Le livre, pour avorton qu'il fût, n'en contenait pas moins foule de renseignements indispensables. C'était écrit extrêmement petit. Le soir tombait et mes paupières. Je résolus de remettre à demain cette édifiante lecture et me jetai sans plus attendre entre les draps humides, sous cette couverture saumâtre. J'éteignis d'une chiquenaude et commença le calvaire du tic-tac de je ne sais quelle minuterie et le mouvement lent, très lent, d'aiguilles inégales mais dotées de points phosphorescents et de menaces, ainsi que le vaste remuement d'ombre, plus ombre que la nuit dehors, vers les fenêtres, comme un affreux théâtre joué juste pour moi. Je me demande encore qui peut se donner telle peine de me persécuter ainsi, à la fois puérilement mais atroce, mais insupportable, mais inhumain, remuement d'ombre plus ombre que la nuit, obscurité poreuse, buvard noir qui suce le regard, vous aspire l'œil hors du crâne, et il faut aussitôt tirer le drap sur soi, fermer plus fort les yeux, penser à autre chose. Mais comment penser à autre chose ? Je croyais que boxer donnait une force d'âme et que les craintes s'estomperaient. Il n'en fut rien. Je remue un peu les poings, les jours d'après, je remue les poings au-dessus du lavabo, par exemple, ou devant la commode, mais je ne sentais rien, rien au niveau de l'âme. Et c'est si fatigant. Gauche, droite, et respirer en même temps. On ne peut pas boxer le vide, il manque d'estomac. Ce qu'il faudrait, mon rêve, mesurer 2 mètres de haut, peser 120 kilos de muscles purs et pugiler sans scrupule, mais sans méchanceté. La vraie force est juste et l'équité guide son noble bras tous les salauds. Cette méthode n'est pas bonne et le monde est empli de salauds. Je change. Tarzan. Il s'est extrait, s'est arraché de la fosse où clapotait le toujours même brouet, vieux os vert de gris, liqueur sucrée avec des bulles grasses, et cette membrane qui malgré tout se forme. Il empoigne les berges, elle s'effrite dans ses mains. Ce qui nous abrutit, c'est ce long cri qui dure, qui était là avant, depuis toujours, et qui, dès lors qu'on sort la tête du fossé, vous empoigne le crâne, le fait bouler sur son large ruban doré, tapis roulant, long cri qu'on n'entend plus à force. Il a glissé dans la gadoue, a piétiné des choses molles, sans oser regarder. Peu à peu, il y arrivera. Il a creusé avec ses mains des marches dans la pente. Ses pieds, trop lourds, s'engluent. La terre l'avale de nouveau, une succion gourmande. On voit qu'il porte un short kaki. Les côtes, 100 fois brisées, saillent sous la peau blême. Les os transpercent par endroits. Et ça ne saigne pas. Il évite de penser à ces choses. La femme est allongée sur l'herbe grasse. Elle mâchonne une pâquerette. Elle est vêtue de peau de bête. C'était de souples bêtes osselées et des bêtes dignes qui refusaient de se méfier, par orgueil. La femme est belle, mais elle sent le graillon. Elle s'en fiche. Depuis que l'avion s'est abattu dans le volcan, qui du coup a repris, réduisant en cendres les indigènes qui festoyaient sur la plage, elle se pavane sur le gazon, se cure les dents, détruit tout autour d'elle, bâille et terrorise les animaux. L'éléphant est en papier mâché, il craint l'humidité. Le tigre est plat et ne rit plus. Les mythes ont eu raison de lui. L'île est infestée de moustiques et de diarrhées sournoises. L'homme s'agrippe à une branche, c'est un serpent. Et il retombe assis dans une flaque brune, il tousse. Il a partout des coutures, des plis, quelque chose ne va pas. Les gens ne sont plus comme avant. Les lianes se désagrègent entre les doigts. Ça fait une poussière irritante. On reste là, à se gratter l'avant-bras. On sent les vertèbres s'user. Le ciel est noir de suie. Quand l'avion est tombé, le navire a sombré. Les requins l'ont mangé. C'est devenu tout rouge, avec des remous, de toute façon. Il s'est assis à côté d'elle et lui a expliqué en dessinant avec une brindille. L'île, volcan, forêt inextricable, insectes, etc. La ceinture de récifs, les coraux, puis l'océan terrible, bien bleu. Et au-delà, les quais, les magasins. L'agitation tout à fait légitime. Ici, répète-t-il, ici, il n'y a rien. Les fourmis, après avoir dénudé le cheval et mis ses os à jour, avant même qu'il ne commence à vaciller, se sont engouffrés dans le sol. Ils titubent au centre de la clairière. Trop de soleil. À un moment, tout se met à tourner. La fosse est carrée. Ça pue. On y jetait toutes les carcasses, les épluchures, les trucs abîmés. Il a posé sur son crâne un casque colonial. Assis devant une boîte en aluminium, il manipule de gros boutons en bakélite cannelé. Il tapote de l'ongle, qu'il a jaune et épais, des cadrans affolés. Bip, bip. Les ondes se propagent, rebondissent, on les voit. Les secours vont venir. En attendant, la fille, très déhanchée, a grimpé en haut d'un cocotier. Vers la fin, une scénette amusante. On peut avec profit utiliser un chimpanzé. Une scénette amusante pourrait servir de conclusion. L'homme a creusé dans le sol les formes de la femme. Elle s'est complaisamment installée dans le trou. Il s'est alors couché sur elle, avec ses os, ses tripes. Cela déborde de partout. Ça prolifère. Elle détourne le regard. Elle a ce sourire biais. C'est le seul homme ici, vous comprenez? Lui ne sait plus que faire. Son crâne est vide. Il n'y a plus que cette pelote sèche qui roule et rebondit, cette petite momie, et ses orbites sont cousues. Mais au bas de son ventre se dresse le totem, le tronc épais, vibrant, qui palpite. Boum, boum. On se demande d'où il tient ça, cet avorton, ce macabé. Il la travaille si joliment qu'elle commence à s'émouvoir. Os contre l'os, la caresse d'ivoire, l'usure. Sous son pagne, elle a caché son ventre, l'ombre, l'absence, l'arrondi des fémurs, les anses du petit bassin. Elle bat des paupières, cela dure longtemps. La boue clapote autour. La boue qui se mêle de tout, qui s'insinue. Il se vide soudain en gros têtard visqueux, puis suit l'humeur séreuse, le bouillon gras et les viscères. Ses reins se sont creusés, vraiment creusés. Quelque chose dessous l'a gobé. Madame se pâme un peu, abandon mesuré qui la caractérise. Sous eux, la terre s'est affaissée, cela grouille. Il ne dit rien et il ne bouge plus. Os pourri dans le pantalon, et elle, les yeux blancs, la langue blanche, asticots aveuglés tirés vers la lumière, ce soleil. Ainsi, le volcan recrache le petit avion. Les cieux se forment, les nuées s'en emparent, l'orientent, le retiennent. Dans le cockpit, avec les instruments brisés, l'un de l'autre repus et étonné, quitter ce point, cette chiure sur la carte, tourbillonnée, en riant aux éclats. On va faire plus léger. Fiançailles. On a fait une autre prisonnière. On est parti avec nos autos comme des chaussures. Ce serait un peu long à expliquer. On a fait des manœuvres périlleuses dans le parking. Ça rebondissait. On n'a tout de même pas osé sortir. Elle passait près du portail, on l'a chopée par un bras et on l'a fait valser un peu. On l'emmène au château. Elle sourit tristement. On ne lui explique rien. Elle reste seule avec moi. Les autres sont allés ranger les voitures et acheter des granulés. Je la guide par les escaliers. Je ne lui raconte rien. Couloir, escalier, couloir. On passe devant la chambre de Luc et Louis. Comme d'habitude, il y a une fille qui pleure, qui supplie. Sa voix est soudain très lointaine, étouffée. Il y a un ramdam là-dedans. On dirait qu'il remue des meubles. Un hurlement, puis des sanglots. Celle qui marche avec moi n'a pas bronché. Elle se tient droite, avance comme un petit soldat. Je lui tiens les doigts, je joue avec ses bagues. Certaines sont très coupantes. Un petit couloir courbe, quelques marches à descendre avec une rampe ridicule, une chambre, une porte, une autre chambre, les fenêtres murées. Je l'installe sur une chaise haute, comme un bébé. Tout est très distingué, très délicat. Elle reste là-haut, regarde tout. « Il y a de la poussière sur les armoires, » dit-elle. J'attends qu'elle ait faim. Elle se met à pépier. Il faut lui bander les yeux, lui attacher les mains, la munir d'un bavoir. Sa bouche grande ouverte. Je tourne stupidement dans la chambre. Elle crie de plus en plus fort, c'est assommant. 10 000 adolescentes tapant sur leur bol en aluminium dans un réfectoire immense. Une crotte de nez. Voilà ce que je pose dans cette bouche démesurée. Je n'ai rien trouvé d'autre. Après, je lui fais des enfants. C'est notre tour de rigoler et de démonter les meubles. Pour sûr, les autres sont derrière la porte, jaloux comme des puces. Notre premier enfant est tout petit, lisse et brillant. Il couine. Sa tête n'est qu'une grande bouche affreuse, pleine de petites molaires, comme sa mère. Il faut aller chercher à manger. J'ai peur que les autres en profitent. Je laisse les lambeaux sur la chaise, une poupée de chiffon avec un peu de chair aux commissures. Elle a beaucoup saigné, et par ailleurs se néglige plutôt. Pas coiffée ni maquillée depuis 10 jours, c'est chaque fois pareil. J'ai regardé dans son sac, il y avait tout ce qu'il fallait. Le petit braille abominablement. Je sors, les clés. Personne dans le couloir, c'est hypocrite. Je descends par le petit escalier, passe devant le bureau, salue le directeur. Traverse ensuite la petite cour, on voit encore dans la terre meuble la dépression que causa la chute par la fenêtre du réfectoire d'une mécontente. J'emprunte l'escalier latéral, il y a aux fenêtres des accointances aiguës. Je passe le portail. Et puis, longer les quais, passer devant les HLM, et j'arrive à la supérette. Commère suspicieuse, j'hésite. Flocon d'avoine ou biscotte? Lait? Écrémé? Beurre? Au moment de payer, c'est comme si j'étais devenu subitement sourd. Je ne comprends rien à ce que marmonne la caissière. Elle répète, je n'entends pas. Je la contemple stupidement. Elle s'énerve. Les gens derrière soupirent, poussent, protestent. Des vieilles avec des parapluies et des chapeaux. Et dehors la camionnette de flic. Paniqué, je me sauve, je cours. Je passe par en haut. Les petites rues cossues, silence. Je ne lâche pas mes paquets. Je connais bien le coin, j'ai travaillé ici. Je changeais les ampoules. Je débouchais les chiottes. Petite porte des cuisines. Bonjour surpris et amical. Je laisse passer l'orage. Il y a cette grosse fille en sueur qui se rapproche. Elle me propose de l'accompagner au grenier pour l'aider à étendre le linge. Je sais aussi qu'il y a un débarras avec un matelas. J'ai le prétexte des paquets. On m'attend, je dois rentrer. Je m'en vais après avoir traîné un peu, échangé quelques mots avec les pensionnaires. Ah, vous revoilà ? Je reviens par la petite rue longée par un haut mur au sommet duquel sont juchés des gamins malveillants. Vent frais, bruissement des arbustes, poireaux dans les jardins. Je reviens, chargé de victuailles. Victoire, victoire ! Je grimpe, m'essouffle, pousse la porte du pied, m'énerve à chercher les clés de la seconde porte. On m'ouvre. La princesse est encore là, rayonnante, avec sa robe de mariée, des perles, des bracelets qui tintent. Sa tête a encore grossi, elle m'aime. Son sourire remplit toute la pièce. Puis, elle prononce quelques mots. Sa bouche s'avance encore, dents parfaites, langue tapis. Je pose mes paquets, j'enlève mes vêtements. Je vais chercher le petit escabeau. Yeu Miklo, elle m'attend. Elle est réellement merveilleuse. J'approche l'escabeau. Je grimpe. Je plonge. Elle referme la bouche.